chez toi, mes céréales vendent ta crinière, ta chemise froissée rangée derrière, je touche le fond. J'ai des remous, j'ai des frissons, quand je pense à cette air gentil fiston, ton auréole en plaque et or, ne me trompe plus, je vois mieux le décor. Oh oh oh oh oh oh, et ce diable de corps. Là que tu m'annonces, tout est fini, ça te couperait même pas l'appétit. Quand tu me quittes, quand t'as des doutes, et la décence tracée ta route. Bien loin d'ici, du frigo et de mon douillet de lit. Fouillé dans mon placard de vivre, vider ce qu'il me reste pour survivre. Détrousser mon cœur d'artichaut suffisait pas, il fallait un plus gros morceau. Et racler le fond de la cuisine, t'aurais pas pu faire ça dans les règles. Un coup de serpillière ou la vaisselle, les rescapés, ton rodéo, censé seulement mon beau salaud. M'inviter à ton banquet, fêter à deux ta sortie, je et ton sabot, ta jarre. Je t'ai nourri de mes mélodies, j'attends toujours ta poésie. J'ai eu le droit cadeau à la bouche, sérénade en douche, j'aurais dû trouver sa louche. Ouh ouh ouh ouh, mais tu as su faire mouche. Est-ce que je m'explique mieux l'allusion? La confiture et du cochon ne calme pas ses fringales, à coup de plat de marmiton. Oh, y'a pas de quoi mettre les petits plats dans les grands. Une salade aurait suffi qui paye l'addition. Il ne tardera pas à se mettre à table, mon pique-assiette sentimental. Fouillé dans mon placard de vie,